sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Mais bon, une petite pause musicale sera sûrement plus agréable qu'une publicité. Sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Passez au reconditionné. Smartphone, ordinateur, audio, console, adoptez des milliers d'appareils tech vérifiés par des partenaires de confiance. Garantie contractuelle du vendeur pouvant aller de 12 à 24 mois venant en complément des garanties légales de conformité et des vices cachés. Voir conditions sur backmarket.fr. Back Market. Connaissez-vous Emma Goldman, la femme la plus dangereuse de l'Amérique? Née en 1869 en Lituanie, émigrée aux États-Unis à l'âge de 16 ans, expulsée en Russie en 1919, partie sur les routes de l'Europe dès 1921 pour finalement retrouver l'Amérique, elle n'incarne pas seulement l'histoire de l'anarchie, au tournant du XXe siècle, elle incarne un destin anarchiste, fait de féminisme, de réflexion sur la violence, la culture et l'anti-bolchevisme. L'occasion pour nous de demander à quoi ressemble une existence anarchiste, ou plutôt, à quoi ressemble à l'échelle d'un individu l'engagement dans des combats collectifs. Je suis ravie d'être de retour aux États-Unis. Mon terrain de chasse pendant 35 ans. Le pays où j'ai fait mes innings. Le pays où j'ai fait mes débuts dans la lutte sociale et économique. And where I decided to devote myself to the et où j'ai décidé de me consacrer à la présentation de l'anarchisme comme philosophie sociale qui vise l'émancipation économique, sociale, politique et spirituelle de l'humanité. Bonjour Alice Béja. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en études américaines à Sciences Po Lille. Vous êtes chercheuse au CERAPS CNRS. C'est bien comme ça qu'on dit CERAPS? Tout à fait. Vous avez écrit Emma Goldman. C'est un chapitre de l'ouvrage collectif Histoire globale des socialismes qui est paru au PUF cette année. Et vous avez produit pour France Culture dans l'émission Une vie, une œuvre, Emma Goldman, vivre la révolution 1869-1940. C'était en 2018. Alors commençons par le commencement. Qui était donc Emma Goldman, Alice Béja? Emma Goldman était une anarchiste, une militante anarchiste, donc née en Russie à l'époque, dans l'actuelle Lituanie, et qui a passé une grande partie de sa vie aux États-Unis. Et c'est intéressant que vous ayez passé donc cette archive, qui est quand même une des rares occasions d'entendre la voix d'Emma Goldman, qui date en fait de 1934, lorsqu'elle revient aux États-Unis pour présenter son autobiographie. Et donc, pourquoi c'est intéressant? D'une part, parce que ça montre la cohérence de sa vie, c'est-à-dire qu'elle est restée fidèle à l'anarchisme vraiment tout au long de son existence et jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de ses camarades. Cette archive est aussi symbolique de son rapport aux États-Unis, puisque elle en a été, comme vous l'avez dit, expulsée en 1919. Elle avait été auparavant déchue de sa citoyenneté américaine et dans les années 30, elle obtient un visa pour venir présenter son livre, mais à la condition qu'elle ne parlera pas de l'actualité politique aux États-Unis. Qu'elle ne parlera pas ou peu de l'anarchisme, de ses convictions. Et donc, cela illustre aussi, bien évidemment, la répression dont elle a été victime tout au long de sa vie et le rapport complexe et ambigu qu'elle entretient à son pays d'accueil, que sont les États-Unis, qui sera à la fois son pays d'accueil et le pays qui la chasse. Et d'ailleurs, elle va mourir en 1940 au Canada, c'est bien ça, mais quand même, elle va être enterrée à Chicago, là où en fait, elle a eu quand même cette sorte de révélation anarchiste. Exactement. Donc, elle ne parvient pas à retourner aux États-Unis avant sa mort. Donc, elle n'y retourne que pour y être enterrée, à côté des martyrs de Chicago, qui sont ceux qui ont déterminé son engagement anarchiste. Donc, en 1887, des anarchistes sont exécutés à Chicago suite à ce qui est connu comme l'affaire de Haymarket. Donc en 1886, suite à une démonstration, une manifestation en faveur de la journée de 8 heures, hein, c'est à l'époque la grande cause des mobilisations syndicales et de travailleurs et de travailleuses. Et de la mobilisation anarchiste précisément. Et de la mobilisation anarchiste, hein, puisque des anarchistes comme Spies et Parsons sont à l'avant-garde de ce combat. Cette manifestation donc dans des usines de Chicago est fortement réprimée par la police et donc un certain nombre d'organisations appellent à une manifestation contre les violences policières le 4 mai 1886, manifestation à la fin de laquelle une bombe explose et tue notamment des policiers. Suite à cet incident, des anarchistes vont être arrêtés, dont un certain nombre n'étaient pas présents le jour des faits, et ils vont être jugés et, pour un certain nombre d'entre eux, condamnés à mort. Or, ce procès était très clairement le procès de l'anarchisme. Le juge était très clair sur le fait que même si certaines de ces personnes n'étaient pas présentes, il fallait les condamner pour préserver la République américaine. Et c'est l'exécution en novembre 1887 de ceux qui vont devenir, aux yeux d'un certain nombre de militantes et de militants aux États-Unis, mais aussi à travers le monde, hein, puisque cette affaire a un retentissement mondial, c'est leur exécution de ces martyrs de Haymarket qui va déterminer l'engagement anarchiste d'Emma Goldman et de bien d'autres d'ailleurs. C'est ce qu'on va tout de suite écouter Alice Béja dans ce texte où Emma Goldman elle-même raconte cette conversion à l'anarchisme. Des éditions spéciales des journaux de Rochester apportèrent la nouvelle. Les anarchistes de Chicago avaient été pendus. J'étais dans un état d'étourdissement, envahi d'une sensation de torpeur qui me rendait incapable de verser une seule larme. Dans la soirée, nous allâmes dans la maison de notre père. Tout le monde parlait des événements de Chicago. Cette perte que je vivais intimement m'absorbait complètement. C'est alors que j'entendis le rire vulgaire d'une femme. De sa voix stridente, elle railla. « Pourquoi toutes ces lamentations? Ces hommes étaient des assassins. On a bien fait de les pendre. » D'un bond, je lui sautai à la gorge. Puis je sentis qu'on me tirait en arrière, et quelqu'un dit « Cette enfant est devenue folle !» Je me dégageai d'un mouvement brusque, saisis un pichet d'eau sur la table, et le lançai de toutes mes forces au visage de cette femme. « hors d'ici ou je vous tue » m'écriai-je. La femme terrifiée se précipita vers la porte et je m'effondrai en larmes sur le sol. On me mit au lit et je sombrai rapidement dans un profond sommeil. Le lendemain matin, je me réveillai comme si je sortais d'une longue maladie, enfin délivré de l'état de paralysie et de dépression provoqué par ces semaines insupportables d'attente et par cette fin épouvantable. Je sentis très distinctement que quelque chose de nouveau et de merveilleux venait de naître en moi. Un grand idéal, une conviction ardente, une ferme détermination de me dédier à la mémoire de mes camarades martyrs, d'embrasser leur cause, de faire connaître au monde leur vie magnifique et leur mort héroïque. Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'est vraiment un très beau texte qu'on vient d'entendre, Alice Béja, donc un texte d'Emma Goldman, « Vivre ma vie, une anarchiste au temps des révolutions » qui date de 1931. Excellemment interprété, je dois dire, par Hélène Lossor. On a l'impression vraiment d'être dans la tête d'Emma Goldman qui véritablement se convertit à l'anarchie. Alors j'emploie ce terme de conversion depuis le début. Est-ce que c'est le bon terme? Je ne sais pas si je parlerais de conversion, puisque ça tendrait peut-être à supposer qu'il n'y a pas d'antécédent, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de soudain, de brutal, et c'est une révélation. Une révélation, voilà. C'est peut-être plus une révélation, et puis c'est vraiment un moment fondateur que Goldman construit aussi, hein, à travers son autobiographie et dans un certain nombre d'autres textes. Elle est toute jeune, hein, elle a 18 ans au moment de l'exécution des martyrs de Haymarket. Elle avait déjà, dans son enfance et son adolescence en Russie, était influencée par les nihilistes russes, et de manière générale, c'est une jeune femme qui est révoltée, qui ne craint pas d'exprimer ses opinions et ses convictions, comme on le voit dans cet extrait, y compris par le geste, hein, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de sa vie ce caractère assez sanguin et passionné, qui parfois surprend hein, les journalistes américains qui l'interviewent et qui la décrivent comme quelqu'un de vraiment extrêmement expressif. C'est-à-dire, elle voilà, parle fort, elle fait des gestes. Elle parle avec ses mains, et puis je pense qu'il y a aussi une dimension, disons, où elle ne correspond peut-être pas toujours tout à fait à l'image de la femme qui est attendue par ces journalistes. C'est-à-dire en normes d'esthétique, c'est-à-dire qu'en gros, elle est pas très jolie, c'est ça que vous voulez dire ou que... Si, alors ça dépend. Dans les comptes rendus de la presse, on a certains journalistes qui, en fait, partant d'un a priori que une femme militante est forcément voilà pas très L'aide. Jolie, pas très bien habillée, etc., sont au contraire surpris de voir une Emma Goldman dans sa jeunesse qui fait globalement attention à la manière dont elle s'habille, etc., et sont parfois donc surpris par le contraste entre cette apparence, disons, il y a certains journalistes à la fin du 19e qui disent c'est une femme très féminine. Voilà, comme si c'était une énorme surprise, et la teneur de ses propos. Donc il y a une phrase dans un article de 1897, je crois, où ils disent « c'est une femme très féminine avec les convictions et l'esprit d'un homme ». Donc on voit bien les codes et les catégorisations codes de l'époque et la manière dont elle y correspond ou n'y correspond pas. Voilà, donc on voit cette nature passionnée et donc la construction vraiment de ce moment fondateur qui va l'être à plusieurs égards, hein, c'est-à-dire qui va non seulement déterminer ses convictions et son militantisme, mais aussi l'amener à quitter Rochester, où elle est avec sa famille, pour aller à New York. Et donc pour véritablement s'ancrer dans le milieu anarchiste new-yorkais de l'époque, qui est principalement composé d'immigrés allemands ou d'Europe de l'Est ou de Russie, avec une forte composante juive. Et il y a vraiment des lieux de sociabilité à New York dans lesquels elle va rencontrer des gens comme Alexandre Berkman ou Johann Most qui vont l'introduire dans les milieux anarchistes et sous l'égide desquels elle va commencer sa carrière de conférencière. Alors ce texte est vraiment incroyable, donc je l'ai dit Alice Béja, déjà parce que donc il y a cette idée de en tout cas peut-être pas de révélation mais du moins de redécouverte ou de découverte de choix peut-être aussi de ce à quoi elle va Emma Goldman va dédier sa vie. Elle le dit, je sentis très distinctement que quelque chose de nouveau et de merveilleux venait de naître en moi, un grand idéal, une conviction ardente, une ferme détermination de me dédier à la mémoire de mes camarades martyrs, d'embrasser leur cause, de faire connaître au monde leur vie magnifique et leur mort héroïque. Il y a donc aussi cette dimension de la violence du sentiment de cette découverte, mais aussi, et là il faut réfléchir à ce terme-là qu'on a un petit peu abordé tout au long de ces émissions sur l'anarchisme, de la violence tout court. C'est-à-dire que l'engagement anarchiste, on a l'impression, c'est tout ou rien. On peut pas être à demi anarchiste, et notamment quand on suit la vie d'Emma Goldman. Oui. Alors, sur cette question de la violence, c'est effectivement une question qui est centrale dans l'anarchisme de l'époque, hein, qui va être centrale, évidemment, également dans la perception des anarchistes à l'époque. Et en particulier, vraiment, dans ces toutes dernières décennies du 19e siècle, qui voient d'un côté se multiplier les attentats en Europe et aux États-Unis, hein, puisque le président McKinley est assassiné en 1901, à l'encontre de personnalités politiques qui vont créer l'image de l'anarchiste poseur de bombes, ou poseuse de bombes en ce qui concerne Emma Goldman. Et Goldman va être vraiment poursuivi très littéralement, hein, pour cette image de violence. Donc elle va être arrêtée par la police, elle va être considérée comme complice de l'assassin du président McKinley en 1901. Elle va devoir se cacher, prendre un pseudonyme. Donc tout ça pour dire simplement que cette vision de l'anarchiste violent a des conséquences extrêmement réelles et matérielles sur la vie qu'elle mène. En ce qui concerne son positionnement à elle vis-à-vis de la violence et donc vis-à-vis de ce qu'on appelle dans la théorie anarchiste la propagande par le fait, Emma Goldman vraiment évolue tout au long de sa vie, et je dirais qu'il y a vraiment deux moments qui sont importants dans la manière dont elle pense cette violence. Le premier, c'est en 1892, dans le contexte d'une grève dans une usine d'acier, une grève très fortement réprimée à Homestead. Alexandre Berkman, donc le compagnon, ami, amant, qui l'introduit à l'anarchisme, camarade, qu'elle rencontre, en fait, ils sont un petit peu tous les deux, lui il est déjà plus actif effectivement, mais ils commencent leur carrière ensemble, qui est vraiment le compagnon de toute sa vie, hein, disons sous des formes diverses, on pourra y revenir. Alexandre Berkman et Goldman décident de assassiner Henry Clay Frick, qui est donc le responsable de la répression de la grève de Homestead et qui a amené quand même à la violence envers les ouvriers, leurs femmes et leurs enfants. Et alors Goldman ne peut pas, pour diverses raisons, ne participe pas à l'attentat en tant que tel. C'est Berkman qui le fait et l'attentat est manqué. Donc Frick est blessé mais n'est pas tué. Suite à cela, Berkman est condamné à 24 ans de prison. Qu'il va avoir, qu'il va vraiment Alors il ne va pas tous les faire, mais ouais. Oui, il va en faire une bonne partie. Et d'ailleurs, on pourra y revenir, mais tout au long de son séjour en prison, Goldman sera pour lui un soutien indéfectible et leur correspondance à ce moment-là est particulièrement fournie. Et donc, ce geste va susciter des débats dans les cercles anarchistes, et notamment, donc, Johann Most, qui est un peu le mentor de Goldman, va se désolidariser du geste de Berkman en disant que ça n'était pas nécessaire, il n'y avait pas de nécessité sociale à ce geste. Quant à Goldman, alors, pour revenir sur sa nature passionnée, elle va donc cravacher Most en plein meeting pour lui signifier, disons, son désaccord avec ses positions. Et par ailleurs, elle va soutenir indéfectiblement Berkman. Alors à ce moment-là, c'est un soutien qui part quand même d'une vision qui est que la violence peut être nécessaire à la transmission. Une propagande par le fait. Voilà, la propagande par le fait est un des moyens qui est à la disposition des anarchistes pour faire passer leur message dans un contexte où la violence est avant tout la violence du capital et la violence du système capitaliste. En 1901, donc le président William McKinley est assassiné par Léon Czolgosz, qui est un jeune homme qui se réclame de l'anarchisme et dont les autorités et la presse vont considérer qu'il a été influencé par Emma Goldman parce qu'il aurait assisté à l'une de ses conférences, et donc vont considérer Goldman comme complice. Alors Czolgosz a toujours récusé cela, et il n'y a jamais eu de preuve contre Goldman, ce qui fait qu'elle a été relâchée. Mais Goldman publie un article qui s'appelle « La tragédie à Buffalo », dans lequel, et là donc là on a un premier glissement, c'est-à-dire que elle ne défend plus nécessairement l'acte pour ce qu'il est, mais elle défend la personne, c'est-à-dire qu'elle explique comment les conditions capitalistes aux États-Unis et ailleurs peuvent pousser des gens à la violence. Donc en d'autres termes, on a déjà ici un glissement qui est que ça n'est plus nécessairement l'acte violent qui est une nécessité et qui est justifié ou accepté, mais en revanche, il y a de la part de Goldman un refus de condamner fermement la personne qui en fait est un produit aussi de la violence du système capitaliste. Et là, c'est avec Berkman qu'elle va être en conflit, puisque Berkman lui dit que cet acte n'était pas nécessaire. Et donc tout au long de sa vie, et ça c'est une caractéristique aussi de Goldman, c'est qu'elle évolue dans ses positions. Elle est opposée à toute forme de dogmatisme, et donc ça s'applique également à ses propres convictions. Et donc notamment sur cette question de la violence, elle continuera jusqu'au début des années 1910 à dire que même si la violence n'est pas un moyen nécessairement approprié pour défendre les idées de l'anarchie, elle se refuse à condamner fermement celles et ceux qui en sont réduits, en quelque sorte, à ces actes-là. C'est ce qu'on retrouvera aussi dans sa critique de la révolution russe en Russie quand elle y retournera, et ce qu'elle dit aussi en 1923 dans son texte « My Disillusionment in Russia », pardon pour l'accent, elle dit « Je n'ai jamais nié que la violence est inévitable, néanmoins c'est une chose d'employer la violence dans le combat comme moyen de défense, c'est tout à fait autre chose d'en faire un principe de terreur, de l'institutionnaliser, de l'assigner à la place la plus essentielle de la lutte sociale. Un tel terrorisme engendre la contre-révolution et à son tour il devient lui-même contre-révolutionnaire. » Et je pense qu'avec ce texte, Emma Goldman fait un petit peu un sort à cette confusion qu'on fait entre l'anarchie et la violence. L'anarchie n'est pas identifiable à la violence, en revanche il y a une certaine réflexion, une certaine appropriation ou pratique de la violence dans l'anarchie qui est par contre, ça on doit le dire, incontournable. Alors, qui est incontournable, oui et non. C'est-à-dire que, comme je le disais, Goldman, plus elle avance dans sa vie, plus elle estime que, effectivement, la violence qui doit avant tout être condamnée, c'est la violence d'État, comme vous le dites. Et alors là, pour le coup, ça s'applique aussi bien à l'État bolchevique dans les années 20 que, en l'occurrence, que à l'État américain et à l'arsenal répressif qu'il déploie envers les anarchistes. Mais pour elle, c'est une violence qui est évidemment à l'encontre de toute la société et en particulier des travailleuses et des travailleurs. Et donc, elle ne peut pas condamner moralement, disons, des personnes qui, du fait de cette situation, et en fait, pour elle, là aussi, et c'est là qu'on retrouve l'articulation et la dialectique entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire que pour elle, il s'agit donc d'individus qui sont poussés à ces extrémités, qui en arrivent à des actes violents, parce que ils ne supportent pas la société telle qu'elle est, et que cette société, voilà, leur a fait croire des choses, hein, sur Scholgoz. Elle dit sans doute qu'il a été bercé par les idéaux de la Révolution américaine, etc. Et que c'est vraiment la désillusion et la constatation de la violence de la société capitaliste qui amène à cela. Et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas en faveur de cette violence, mais comme elle répugne en fait à condamner des individus qui sont portés par leur réaction aux conditions sociales, en fait. C'est pour ça qu'elle fait cette distinction qui est subtile, hein, et qui bien évidemment n'est pas conçue comme telle par les autorités de l'époque, qui vont construire donc une image des anarchistes comme violents, quel que soit leur statut, d'ailleurs, qu'il s'agisse de militantes, de militants ou de théoriciens et théoriciennes. Et un élément supplémentaire, c'est que ils vont construire ces anarchistes comme étrangers aux États-Unis. Donc il y a toute une rhétorique qui s'applique aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, d'étrangeté de la doctrine anarchiste, qui est présentée comme d'autres, hein, comme ce sera le cas aussi pour le socialisme et plus tard pour le communisme, comme une idéologie étrangère, et qui est en contradiction fondamentale avec les valeurs et les principes américains. Ce que Goldman récuse, puisqu'elle va de plus en plus, là aussi, c'est une stratégie politique, hein, intégrer des références américaines à sa propre réflexion sur l'anarchisme. Alors vous avez parlé, Alice Béja, de cette tension entre l'individu et le collectif. On a entendu dans ce premier texte la manière dont Emma Goldman avait une sorte de prise de conscience individuelle. Je vous propose maintenant d'entendre un autre texte d'elle où on retrouve cette tension et aussi cette prise de conscience individuelle. Le seul impact que nous puissions avoir, c'est la rue. Oui, c'est vrai. Oui, mais ne croyez-vous pas, Emma, que si Debs concentre le gros des voix, ça renforcera cet impact? Non, ça non. Je crois que voter, c'est l'opium des masses de ce pays. Tous les 4 ans, on chloroforme. Oui, mais... vous croyez... Je ne peux pas dire plus clairement ce que je crois, Mademoiselle Bryan. Oh, je t'en prie, Emma, ne sois pas si dogmatique. Louise a soulevé un problème, elle a dit que... Me voilà dogmatique. Pourquoi mon statut change-t-il à chacune de tes conquêtes? Le salut réside dans une marche énergique vers un avenir plus brillant, plus clair. Ce qu'il nous faut, c'est nous dégager des vieilles traditions, des habitudes désuètes, puis aller de l'avant. Le mouvement féministe n'a accompli que le premier pas dans cette direction. Il faut espérer qu'il gagnera assez de force pour en faire un second. Le droit au vote, aux capacités civiques égales, peuvent constituer de bonnes revendications. Mais l'émancipation réelle ne commence pas plus à l'urne qu'à la barre. Elle commence dans l'âme de la femme. L'histoire nous dit que c'est par leurs propres efforts qu'à toute époque, les opprimés se sont réellement délivrés de leur maître. Il est de toute nécessité que la femme retienne cette leçon, que sa liberté s'étendra jusqu'où s'étend son pouvoir de se libérer elle-même. Il est donc 1000 fois plus important pour elle de commencer par sa régénération intérieure, de laisser tomber le fait des préjugés, des traditions, des coutumes. La revendication des droits égaux dans tous les domaines de la vie est équitable et juste. Mais somme toute, le droit le plus vital, c'est celui d'aimer et d'être aimé. Si l'émancipation féminine partielle doit se transformer en une émancipation complète et véritable de la femme, c'est à condition qu'elle fasse litière de la notion ridicule qu'être aimée, être amante et mère, est synonyme d'être esclave ou subordonnée. Il faut qu'elle se débarrasse de l'absurde notion du dualisme des sexes. Autrement dit, que l'homme et la femme représentent deux mondes antagonistes. C'était C'était encore un texte d'Emma Goldman, extrait de La tragédie de l'émancipation féminine. C'est un texte paru dans le premier numéro de Mother Earth en mars 1906. C'est une revue qu'Emma Goldman a montée. On entend bien dans ce texte, qui aussi est tout aussi passionnant que le premier, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à déplier. D'une part, cette question de l'âme, quand même, qui est un terme qui est assez étonnant dans un texte anarchiste, c'est-à-dire cette idée de prise de conscience qui passerait par l'âme. Il y a aussi cette idée quand même d'un féminisme très particulier pour l'époque, qui ne passerait pas avant tout par le droit de vote. Et puis enfin, il y a cette question du rapport homme-femme. Mais commençons peut-être par ce qui constitue selon moi le centre de ce texte, Alice Béja, à savoir cette idée de l'âme de la femme. Comment la libération passe d'abord par l'âme de la femme? Alors, ce terme d'âme est ici vraiment utilisé plutôt au sens d'esprit ou de... Voilà, il n'y a évidemment aucune connotation religieuse. Ou philosophique. Par ailleurs, non, Goldman explique dans d'autres textes que l'âme au sens religieux n'existe pas, on n'est qu'un corps, etc. Donc juste pour lever des ambiguïtés qu'il pourrait y avoir. La raison pour laquelle elle fait cette distinction, c'est plutôt, disons, une distinction émancipation extérieure, émancipation intérieure. C'est-à-dire que ce qu'elle dit, c'est que les suffragistes de l'époque, donc qui militent pour l'accès des femmes au droit de vote que les Américaines obtiendront en 1919-1920, mais qui est un combat qui commence vraiment à se structurer au milieu du 19e siècle, que ce combat-là donc est un combat pour, disons, une forme d'émancipation extérieur, donc donné par la société. On accorde un droit aux femmes. Bon, elle n'y est pas opposée, puisque elle croit à l'égalité entre les sexes, mais évidemment, en tant qu'anarchiste, le droit de vote, pour elle, a assez peu de conséquences. Parce que finalement, ça n'est que reproduire ou reprendre, en fait, des codes d'une institution qu'elle critique. Exactement. Donc, elle critique les suffragistes parce que les suffragistes pensent que les femmes vont pouvoir changer le système politique par le droit de vote. Or, ce que Goldman dit, c'est que, il n'y a aucune raison pour que le droit de vote donné aux femmes ait un quelconque impact. Elles ne sont pas intrinsèquement meilleures que les hommes. Dans un texte, elle explique qu'on peut acheter les votes des femmes comme on peut acheter les votes des hommes, et que donc, la revendication d'égalité est légitime, mais il n'y aura aucune conséquence politique. Donc pour elle, ce qui importe véritablement, c'est cette idée d'émancipation intérieure, et qui est en fait plutôt une émancipation vis-à-vis des normes et des conventions. Et donc c'est pour cela que son féminisme est vraiment intrinsèquement lié à la question du corps, à la question de l'amour, et ça peut paraître aussi paradoxal dans tous les textes qu'elle consacre au féminisme et aux droits des femmes. Goldman vraiment insiste énormément sur l'importance de l'amour. Or, pour elle, et c'est drôle parce que, en réécoutant l'extrait, ça me fait un petit peu penser à l'ouvrage récent de Mona Chollet qui s'appelle « Réinventer l'amour » et qui justement cherche à distinguer la relation hétérosexuelle du patriarcat, Goldman, elle fait un petit peu ça. C'est-à-dire qu'elle dit, une société idéale, c'est une société dans laquelle les êtres, qu'ils soient hommes ou femmes, entrent dans des relations consenties sur une base d'égalité, et que donc dès lors il n'y a aucune menace dans l'amour si c'est un amour entre égaux, si on est libre de choisir ses partenaires quand on le souhaite. Elle explique que ça c'est impossible pour l'instant, et que les revendications des suffragistes ne permettent pas d'arriver à ça, puisqu'elles demeurent tributaires, en fait, d'une société capitaliste qui est fondée sur l'inégalité des sexes, sur la dépendance économique des femmes vis-à-vis des hommes, et donc sur l'imposition de normes puritaines, en particulier aux États-Unis, qui empêchent les femmes d'explorer leur nature, aussi bien leur nature intellectuelle que physique, puisque pour elles, les deux sont intrinsèquement liés. On n'est épanoui intellectuellement que quand on l'est aussi physiquement, sensuellement, donc dans toutes les dimensions de son être. Mais c'est là où Emma Goldman est assez contemporaine, actuelle même, on pourrait dire, parce qu'on a l'impression, quand on entend cette phrase de laisser tomber le fait des préjugés, des traditions, des coutumes, on a l'impression qu'elle nous parle de déconstruction. Oui, elle le fait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est engagée dans toute une série de combats, notamment pour le droit à la contraception, pour le contrôle des naissances, qui était à l'époque un mouvement important. C'est-à-dire que il y a aussi, je pense, un biais historiographique qui nous amène à voir ce qu'on appelle traditionnellement la première vague du féminisme, donc au 19e, début du 20e siècle, comme exclusivement centrée sur le droit de vote. Alors bien sûr, le droit de vote était une mobilisation extrêmement importante, et puis qu'on retient aussi parce que, entre guillemets, elle a réussi, hein, en tout cas aux États-Unis et en Angleterre et dans d'autres pays. Mais il faut bien voir que il y avait des femmes, des militantes à l'époque qui déjà revendiquaient le contrôle, la capacité des femmes à contrôler leur propre corps, qui revendiquaient ce qu'on appelait à l'époque l'amour libre, donc la possibilité de choisir ses partenaires, et donc un certain nombre de thématiques qu'on a tendance à associer plutôt aux années 60 et 70. Alors ben justement, on va écouter une archive des années 70, une manifestation féministe, preuve que Emma Goldman a anticipé peut-être notre époque, mais déjà au moins cette deuxième vague féministe. Liberté, égalité, femmes de toutes conditions, unissez-vous pour conquérir votre égalité. Les militantes féministes américaines sont très satisfaites de leur journée de revendication, pourtant parfois mouvementée, organisée à l'occasion du 50e anniversaire du droit de vote pour les femmes aux États-Unis. Au cours de cette grande journée de revendication, les féministes avaient organisé une grève qui n'a été que peu suivie et toute une série de petites actions destinées à manifester leur dénonciation de l'oppression masculine. C'est ainsi que les femmes devaient s'abstenir de tous les travaux domestiques et ménagers serviles, y compris abstention du devoir conjugal, qu'elles devaient boycotter toutes les entreprises qui pratiquent une publicité réputée dégradante pour les femmes objets sexuels, et qu'enfin elles devaient déposer dans certaines boîtes à ordures tous les objets symboles de leur esclavage, soutien-gorge, bigoudis, parfums et ustensiles de cuisine. Quand je travaillais pour le gouvernement fédéral à Washington, j'étais bureaucrate comme les autres. Les hommes me regardaient toujours comme un objet sexuel. Ils remarquaient toujours la longueur des ourlets et les vêtements que je portais. Ils ne regardaient jamais tout ce que j'avais fait, tout ce que je voulais dans ma vie. Et j'ai quitté le gouvernement parce que je ne pouvais pas trouver là l'avancement que je méritais. C'était une archive du 27 août 1970, la commémoration des 50 ans du droit de vote des femmes aux États-Unis. Et pourtant, en fait, le combat dans les années 70 va ressembler donc au combat d'Emma Goldman dès le début, en fait, du 20e siècle, à savoir une libération du corps, une libération sexuelle, un certain rapport aussi, une redéfinition du rapport entre les sexes. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que Emma Goldman ne veut pas tomber dans un antagonisme. Et c'est là où on a un féminisme assez actuel aussi, qu'il soit de la deuxième vague ou même assez proche de nous, c'est que l'idée est avant tout celle de la déconstruction. On vous impose des normes sur votre corps, on vous impose des normes dites naturelles, biologiques, il faut les déconstruire et ça passe aussi par une déconstruction finalement, et c'est en ça qu'elle est très anarchiste, une déconstruction des institutions même de genre. Oui, et notamment, bon, évidemment, elle est opposée à l'institution du mariage, hein, qu'elle considère en fait de la même manière que comme une forme de prostitution légalisée. Je voudrais revenir justement sur cette idée de du rapport entre les sexes. Et donc pour Goldman, ce qui est intéressant, c'est que c'est justement dans les années 60 et 70 que Goldman a été redécouverte et véritablement est même devenue une sorte d'icône culturelle aux États-Unis, hein, pas tellement dans d'autres pays, mais où il y avait sa tête sur des t-shirts, etc. Mais parfois, ça a pu se faire aussi au prix d'une certaine déconnexion entre son féminisme et son anarchisme. Or, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que vraiment, les deux sont pour elle indissociables. C'est-à-dire que cette libération, cette émancipation véritable des femmes ne peut advenir que dans une société qui est libérée du capitalisme, des formes de patriarcat, et donc dans laquelle les femmes seront véritablement libres de choisir non seulement leur partenaire, mais également leur profession. Et j'insiste simplement sur une chose qui pourrait paraître contre-intuitive quand on pense à Goldman, elle accorde énormément d'importance à la maternité. Elle-même a fait le choix de ne pas avoir d'enfants, et elle condamne en fait le fait que les femmes sont obligées d'avoir des enfants, on leur refuse la contraception, et dès lors, elles sont de mauvaises mères parce que elles ne peuvent pas, parce qu'elles ne sont pas épanouies elles-mêmes. Et donc, dans plusieurs textes, elle dit la seule manière dont les femmes peuvent être de bonnes mères, c'est si par ailleurs elles ont une carrière, une manière de s'épanouir. Hein. Elle milite pour le fait que les enfants soient élevés dans un cadre communautaire. Mais ce qui est important, c'est que donc cette notion de liberté est vraiment au cœur de sa vision de l'émancipation féminine. Et pour elle, dans un monde idéal, les femmes seraient aussi bien libres d'être avocates, médecins, juges, etc., que femmes au foyer, mères à plein temps, si elles le souhaitent. L'important étant qu'elles suivent leurs passions et leurs envies et qu'elles soient libres de le faire. Et cela, naturellement, vaut également pour les hommes. Alors à vous écouter, Alice Béja, l'anarchisme serait de fait féministe, en tout cas dans ce sens-là, et le féminisme du temps d'Emma Goldman ou d'une autre devrait être anarchiste. Finalement, les deux vont parfaitement ensemble, et pourtant, les anarchistes, si on pense à Proudhon, ont une grande partie qui était antiféministe, en tout cas misogyne. Alors, il y a aussi une question d'époque, mais quand même, Proudhon a quand même écrit un texte contre les femmes, donc là, c'était assez clair, mais d'un autre côté aussi, tous les mouvements féministes ne sont pas anarchistes. Et ça, c'est même étonnant, parce que finalement, déconstruire des normes, des préjugés, des institutions, c'est précisément la tâche de l'anarchisme, et c'est aussi celui du féminisme en termes de genre. Pourquoi, en fait, ce lien ne va pas plus souvent de pair ? Ces deux éléments ne vont pas plus souvent de pair. Je pense que... Parce que, bien entendu, il y a quand même une vision de l'anarchisme comme une philosophie très radical, dont la postérité a aussi été extrêmement compliquée, occultée, comme on le disait au début de l'émission, très marquée aussi par cette image de violence, en particulier si on pense donc à l'anarchisme entre guillemets historique de la fin 19e et du début du 20e siècle. Après, un certain nombre de féministes radicales dans les années 60 et 70 ont pu se réclamer d'une certaine forme d'anarchisme, mais néanmoins, je pense que il y a aussi, comme dans tout mouvement, des formes plus ou moins radicales de convictions féministes qui peuvent par ailleurs appliquer une vision déconstructionniste aux stéréotypes de genre sans pour autant l'appliquer forcément aux institutions, à la notion de gouvernement, à la notion de propriété. Et il y a par ailleurs aussi une vision qui consiste à, entre guillemets, alors ça c'est une forme de féminisme évidemment moins radicale, mais à permettre aux femmes d'avoir accès au monde tel qu'il est, en un sens. Là où des féministes les plus radicales vont expliquer que c'est uniquement à la condition d'une transformation radicale de la société telle qu'elle existe que les femmes vont pouvoir y prendre une place pleine et entière. Et Emma Goldman se situerait plutôt de quel côté, selon vous, Alice Béja ? Vraiment transformation radicale ou avoir accès au monde tel qu'il est ? Non, pour Emma Goldman, le monde tel qu'il est n'est vraiment pas une bonne solution. Donc dès lors, il faut en passer nécessairement. Et c'est pour ça qu'elle a que sa vision de l'anarchisme est globale et que donc son féminisme doit être compris au sein de cette vision anarchiste, puisque ce n'est que la transformation radicale de la société qui peut permettre à toutes et à tous d'accéder à ce qu'ils et elles sont véritablement. Et un des moyens d'accéder à ce que l'on est véritablement, contre toute attente, ça n'est pas que des corpus politiques, ça n'est pas non plus que des manifestations, des engagements, c'est aussi la culture. Bought, did she say? Has my little squander bird been making the money fly away? And now there's really only one other thing in the world that they want. Put in the whole thing. Completely. And I'm so nervous. J'en avais assez qu'on me lance la cause à la figure. Je ne croyais pas qu'une cause qui défendait un si bel idéal, l'anarchie, l'émancipation et l'affranchissement des préjugés et de l'injustice puisse exiger que l'on renonce à la vie et à la joie. Et parmi la vie et la joie, pour Emma Goldman, il y a le théâtre. Alors là, on a entendu un extrait de La Maison de Poupée. C'est la pièce de Ibsen adaptée par Joseph Losey. Bon là, on rigole pas trop en écoutant l'extrait, il faut le dire. Mais néanmoins, il y a quand même cette idée-là qu'on retrouve peu chez les autres anarchistes. ce qui est vraiment la spécificité de l'anarchisme d'Emma Goldman, c'est que pour elle, la culture, l'art, le théâtre, ce n'est pas du tout des valeurs bourgeoises, mais au contraire, ce qui permet de favoriser un engagement et une prise de conscience individuelle. Oui, et d'ailleurs, parmi les références anarchistes qu'elle cite très souvent, il y a non seulement, bon, si je parle des Russes, hein, il y a non seulement Kropotkin et Bakounine, mais aussi Tolstoï. Et tout au long de sa vie, puis c'est intéressant là qu'on ait entendu justement Ibsen, puisque le personnage de Nora est aussi devenu une icône pour les féministes. Et Goldman, tout au long de sa vie et de sa carrière, va non seulement, elle, aller au théâtre le plus souvent possible, mais aussi écrire beaucoup sur le théâtre, prononcer des conférences sur le théâtre, notamment sur le théâtre russe, mais pas uniquement, sur le théâtre moderne, pour expliquer, comme vous le disiez, comment le théâtre est aussi vecteur d'engagement politique. Et pour elle, cela va avec une conviction plus profonde, qui est bien illustrée par la citation que vous mentionniez, qui est qu'elle refuse vraiment radicalement l'idée d'un ascétisme militant. Ça, Goldman, ça n'est pas du tout la vision sacrificielle, on pourrait dire, à la Louise Michel, hein, on a souvent qualifié Goldman de prêtresse de l'anarchisme, mais elle ne se considère vraiment pas comme telle. Pour elle, la vie doit être vécue à fond, et la culture et l'art ne sont pas des luxes, comme vous le disiez, ce sont des nécessités. Et justement, un des objectifs de l'anarchisme, pour elle, serait de rendre ces nécessités accessibles aux travailleuses et aux travailleurs, à toutes et à tous. Parce que pour elle, la vision d'une société idéale, c'est celle où chacun et chacune aurait accès à la beauté. C'est-à-dire que elle ne conçoit pas la révolution politique et sociale simplement comme un accès à des droits, comme la collectivisation de la propriété. Il s'agit, et c'est pour ça que je reparle de, pour elle, cette imbrication inéluctable entre l'individuel et le collectif, c'est-à-dire que la société future doit permettre, par le biais de la solidarité et de l'entraide, à chacun et chacune d'exprimer le plus profond de soi-même, toutes ses aspirations. Et donc, cela inclut, bien entendu, l'aspiration à la beauté qui, pour elle, est une donnée fondamentale de l'être humain. Mais ce qui repose le problème de cette tension entre individualité et collectivité, et collectif en tout cas, c'est que finalement, est-ce que l'anarchisme est de fait, pour Emma Goldman, d'abord fondé sur un individualisme, puisque la prise de conscience, elle est d'abord individuelle, ou d'abord sur le collectif? Ou, pour le dire plus précisément, est-ce que c'est le collectif qui va nous permettre d'être un individu à part entière, ou c'est d'abord le fait d'être un individu à part entière qui va nous permettre après de travailler au collectif? Alors, dans cette logique, donc il y a effectivement cette distinction traditionnelle entre l'anarchisme individualiste et l'anarchisme qui, selon les périodes, peut être appelé collectiviste ou communiste, etc. Dans la vision de Goldman, qui d'ailleurs est là très fortement influencée par Kropotkin, alors l'anarchisme, déjà, n'est pas une affaire de masse. Pour Goldman, les masses sont intrinsèquement conservatrices. Donc, il va s'agir de minorités agissantes qui vont ensuite entraîner les autres dans la révolution. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que elle a quand même une vision assez critique des masses. Et donc, pour elle, ce sont justement ces minorités agissantes qui se reconnaissent en tant qu'individus, qui vont pouvoir par là mettre en œuvre la révolution, et sa société idéale est en fait une société de communes fédérées qui voilà, travaillent en commun, se donnent des règles assez lâches, et au sein de ces communes, chacun et chacune, par exemple, choisit son emploi, son travail et la manière dont il ou elle travaille. C'est une idée qui est revenue régulièrement dans cette semaine sur l'anarchie. C'est effectivement la manière dont l'anarchie pouvait prendre forme. Et effectivement, il y a toujours un problème. On essaie toujours de dissocier les moyens des fins, les temporalités, l'individu du collectif. Mais il y a un mouvement qui est beaucoup plus impliqué que propose de penser l'anarchisme, qui est, ça n'est pas d'un côté l'individu qui va entraîner toute une collectivité ou toute la collectivité qui va avoir une prise de conscience générale, mais un mouvement beaucoup plus diffus. Et c'est en ça, en fait, qu'on attend des réponses peut-être de l'anarchisme ou des textes, en tout cas des anarchistes comme Emma Goldman, sur comment se produit ce mouvement, qu'ils sont presque incapables, en fait, de nous donner, parce qu'il y a quelque chose qui résiste à ce mouvement. Oui, et ce qui est très important pour Goldman et pour un certain nombre d'anarchistes, et ça elle le dit très clairement dans ses textes, c'est de dire, de toute façon, il n'y a pas de solution universel, puisque ça va dépendre des conditions particulières de tel ou tel pays, de telle ou telle communauté, et on ne va pas avoir les mêmes formes de solidarité qui se créent dans un pays comme la Russie ou dans un pays comme les États-Unis. Donc c'est aussi pour ça ensuite qu'elle s'oppose très farouchement aux socialistes, aux marxistes, et puis ensuite aux bolcheviks. C'est cette idée qu'il y aurait un schéma de la révolution, dictature du prolétariat, arrivée au communisme. Pour elle, ça n'a aucun sens puisque tout part du terrain en quelque sorte et que donc ça dépend des conditions locales des différents pays. Et elle va aussi par ailleurs se trouver parfois un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire que aux États-Unis, où il y a une forte tradition d'anarchisme individualiste, mais là pour le coup qui n'appelle pas nécessairement à l'abolition de la propriété, qui est plus du côté de ce qu'on des libertariens en gros, qui est incarné par un homme qui s'appelle Benjamin Tucker. Donc aux États-Unis, Goldman va largement apparaître comme étant du côté des anarchistes collectivistes ou communistes. En plus voilà d'Europe en fait. D'Europe en gros et puis bon de Russie. Etc. Alors que lorsqu'elle va, par exemple, au congrès d'Amsterdam en 1907, donc avec des représentantes et représentants de l'anarchisme d'un certain nombre de pays, elle apparaît comme beaucoup plus américaine aux yeux de ses camarades, et notamment des Français qui sont beaucoup plus collectivistes et du côté du syndicalisme. Elle sera plus proche de quelqu'un comme l'Italien Malatesta, mais néanmoins, on lui renvoie un petit peu une image individualiste qu'elle-même, en fait, dans laquelle elle-même ne se reconnaît pas tout à fait si on pense à l'individualisme états-unien. Et d'ailleurs, elle répond, il y a ce texte au Congrès anarchiste international d'Amsterdam en août 1907, l'anarchisme ne signifie pas un choix entre Kropotkine et Ibsen, entre l'entraide et la solitude, mais les embrasse toutes les deux. On commet l'erreur de penser que l'organisation non seulement ne favorise pas la liberté individuelle, mais signifie le déclin de l'individualité. Or, l'organisation a en réalité comme fonction d'aider au développement et à l'épanouissement de la personnalité. Une organisation au sens propre ne peut résulter de l'association de simples non-êtres. Elle doit regrouper des individualités conscientes d'elles-mêmes et intelligentes. En effet, l'ensemble des potentialités et des activités d'une organisation se traduit par l'expression d'énergie individuelle. Exactement. Et donc, on retrouve cette idée d'exprimer toutes les possibilités de votre être. Et ça, c'est ce que la société anarchiste doit rendre possible. C'est-à-dire que, comme elle le dit, ça n'a aucun sens de séparer les deux. Une telle société ne peut advenir que si il s'agit d'individus conscients qui la construisent. Et à l'inverse, ces individus ne peuvent exister indépendamment, complètement les uns des autres et dans un isolement total, puisque c'est aussi par la solidarité qu'ils vont accéder à leur pleine réalisation. Saut dans le temps, Alice Béja, de août 1907 et de son congrès anarchiste international d'Amsterdam, nous allons passer à la Russie, donc à la fin des années 10, 1919-1921. Jack, je crois qu'il faut se l'avouer, notre rêve est en train de s'écrouler en Russie. Si le bolchevisme, c'est les paysans contrôlant la terre, les ouvriers contrôlant l'usine, alors la Russie est bien le pays où il n'y a pas de bolchevisme. Localement, les soviets n'ont plus d'autonomie. L'État central a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs sont aux mains d'une poignée d'hommes qui détruisent la révolution. Ils détruisent tout espoir d'un vrai système communiste en Russie. Ils emprisonnent les gens comme moi. Ma conception de la révolution, ce n'est pas l'extermination systématique des dissidents politiques. Je ne cautionnerai pas cet état de choses. Les raisons pour lesquelles la révolution russe, dirigée par le Parti communiste, a échoué, sont désormais claires. Le pouvoir politique du parti, organisé et centralisé au sein de l'État, a cherché à se maintenir par tous les moyens à sa disposition. Les autorités centrales ont essayé de canaliser par la force les activités du peuple dans des formes correspondant aux objectifs du parti. Le seul but des bolcheviks était de renforcer l'État en monopolisant toutes les activités économiques, politiques, sociales et même culturelles. La révolution poursuivait un but totalement différent, puisque par nature, elle incarnait la négation même de l'autorité et de la centralisation. La révolution s'était forcée d'ouvrir des champs de plus en plus larges à l'expression du prolétariat et de multiplier les possibilités d'initiatives individuelles et collectives. Les objectifs et les tendances de la révolution étaient diamétralement opposés à ceux du parti politique dominant. Les méthodes de la révolution et de l'État sont elles aussi diamétralement opposées. Les premières sont inspirées par l'esprit de la Révolution lui-même, s'émanciper de toutes les forces oppressives et limitatrices, c'est-à-dire qu'elles s'inspirent des principes libertaires. Les méthodes de l'État bolchévique ou de n'importe quel gouvernement, au contraire, sont fondées sur la contrainte qui, progressivement, se transforme nécessairement en violence, en oppression et en terreur systématique. Ayant des objectifs et des méthodes contradictoires, ces deux tendances ne pouvaient pas œuvrer dans le même sens. Le triomphe de l'État était la défaite de la Révolution. Quel texte aussi d'Emma Goldman, cet extrait de l'agonie de la Révolution, mais deux années en Russie, 1920-1921, interprété par Hélène Losseur. Alors on retrouve cette critique assez courante dans l'anarchie du marxisme-communisme, là particulièrement en fait de la Révolution russe, à laquelle au départ pourtant Emma Goldman était plutôt, enfin par laquelle elle était plutôt séduite, même plutôt enchantée. Elle a vite déchanté en arrivant en Russie. Il faut dire qu'elle a donc été expulsée des États-Unis. Elle était considérée comme la femme la plus dangereuse de l'Amérique selon Hoover, donc le directeur du FBI de l'époque. Et elle arrive en Russie et là, elle déchante. Qu'est-ce qu'elle reproche en particulier? On l'a entendu, c'est vraiment le triomphe de l'État. Et en cela, il y a presque une critique qu'elle va proposer, et ça c'est typique de son anarchisme, une critique presque internationale en fait de l'État qui va des États-Unis jusqu'en Russie, Alice Béja. Oui, donc Berkman et Goldman arrivent en Union soviétique en 1919 et comme vous le dites, avec des a priori pas négatifs sur la révolution bolchévique. Ils vont rapidement se rendre compte, notamment qu'un certain nombre de leurs camarades anarchistes sont en prison, de la violence qui règne, de la violence de l'État et donc de la concentration croissante des pouvoirs entre les mains de l'État. Et ce sont véritablement la répression de la révolte des marins de Kronstadt en 1921 et l'enterrement de Kropotkine à peu près à la même époque, qui vont les convaincre qu'il est impossible pour eux de rester en Union soviétique. Et donc elle dénonce effectivement l'État sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'en un sens, pour elle, si la révolution amène à la mise en place d'un État autoritaire, qu'il soit bolchevique ou capitaliste, à la limite ne fait pas une grande différence, puisque les principes sont toujours les mêmes, c'est-à-dire la centralisation, la violence d'État et la répression des voix dissidentes. Et à cet égard, encore une fois, elle rejoint Malatesta, qui fait aussi partie de ceux qui ont très tôt critiqué la révolution bolchevique, et donc elle va publier, donc dès 1923, un livre extrêmement critique et qui va lui valoir un certain nombre d'inimitiés à gauche, puisque évidemment, elle va être accusée de faire le jeu des capitalistes en condamnant le seul régime un petit peu différent qui est émergé. Mais là aussi, c'est le signe, en tout cas pour elle, vraiment de sa constance idéologique et politique. C'est-à-dire qu'elle évolue dans un certain nombre de ses positions, mais il y a quand même des convictions fondamentales qui demeurent et qui s'appliquent donc partout où elle voit de la violence d'État. Merci beaucoup Alice Béja. De vous, on peut donc lire le chapitre Emma Goldman. C'est dans l'ouvrage collectif Histoire globale des socialismes. C'est sous la direction de Stéphanie Rosa, Razmik Kecheyan et Jean-Numa Ducange. Voilà, c'est ça. C'est paru au PUF en 2021. Et puis aussi sur un tout autre sujet, Des mots pour se battre, John Dos Passos, la littérature et la politique. C'est paru aux éditions Honoré Champion. Et enfin, d'Emma Goldman, si vous avez envie d'en lire, on mettra les livres sur le site. Vous pouvez lire L'anarchisme, c'est aux éditions Nada. Vivre ma vie, une anarchiste au temps des révolutions, c'est aux éditions de L'Échappée, dans une traduction de Laure Battier et Jacqueline Russ. Et enfin, Emma Goldman, La liberté ou rien, contre l'État, le capitalisme et le patriarcat, c'est aux éditions Luxe. Et j'en profite, dernière chose, pardon, pour signaler l'excellente série de documentaires de Tancred Romanet, Ni Dieu ni Maître, une histoire, disponible sur Arte. Emma Goldman used to rap for Karl Marx. Then I met Emma Goldman. My homie Robbie Super put me up on game. I know what communism always fails. A power-hungry communist is as dangerous as a blood-sucking capitalist. From Gulag to the prison industrial complex. To each his own, no thrones, no preachers spreading fantasies.

avec à la réalisation Laurence Malonda et à la prise de son aujourd'hui Florent Bujon et Hélène Losseur à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter toute notre série sur l'anarchie, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Et je vous donne rendez-vous demain pour notre émission du vendredi sur les objets inattendus de la philosophie. Et demain, nous parlerons du poil en compagnie du philosophe Éric Fiat. À demain.